vitrée, transparent, lucide, de la vérité et l'essence. Ne peut pas cacher l'image derrière, autant il brumisation et nappé. Les rayons du soleil percent et clarifient son image. Les rayons de lune embellissent la même et la nuit. Vitral qui n'offre la vue, vitral qui n'offre les loups, vitral parfois vue de la chaleur et de l'humidité, tandis que la formation de vue est normale et naturelle. Vitral dans les parties supérieures, vitral au niveau de la mer, vitral qui ne cache pas la vérité avec de la pluie et de l'humidité où a été séché au soleil et la nettoyage. Transparent, lucide de la vérité et l'essence, les rayons du soleil percent et clarifient son image, les rayons de lune embellissent la même et la nuit. Vitrée clarifia les ombres. Vitrée clarifiera notre point de vue et notre discernement. Ne peut pas cacher l'image de rire, autant l'hybromisation et la paix, plus d'autre que la normale et naturelle. Transparent, lucide, de la vérité et l'essence.